Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Voix des Guerriers avec Frédéric Garcia évidemment qui est toujours avec moi et on va parler avec quelqu'un je pense de bien intriguant. On l'a vu régulièrement aux côtés de Georges Saint-Pierre notamment et je suis bien curieux d'en apprendre un peu plus et davantage sur Jonathan Chambers. Alors Jonathan, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de vous, parce que il y a quelque chose un peu de mythique. On a parlé il y a quelque temps avec Jérôme Lebanner, puis vraiment, vous êtes le Einstein de la préparation physique. C'est quoi votre parcours, peut-être pas juste en MMA, mais dans vraiment dans l'univers là, de la préparation physique? C'est mon passion. Je fais ça depuis 12-13 ans. J'étais sur l'équipe... National de lutte à Montréal, la même place que Georges s'entraîne. Et quand ma carrière était terminée à cause des commotions cérébrales, j'ai commencé à vraiment concentrer sur le science de l'exercice. Et de là, j'ai juste appris des mentors, des personnes que je respectais autour du monde et j'ai développé un style à moi-même et j'essaie de toujours apprendre et le faire meilleur, le style. Est-ce que vous travaillez seulement et uniquement avec des combattants de MMA ou vraiment ce que vous connaissez là, du domaine physique puis de la préparation peut s'étendre, j'imagine, à n'importe quel autre sport? Ah, je fais tous les sports. Je suis connu pour plus le MMA parce que j'ai beaucoup de champions mais j'entraîne l'équipe nationale olympique de lutte ici à Canada toutes les jours de tennis, des jours de judo, de football, de n'importe quoi. Et juste des madame, monsieur, tout le monde qui veut juste être en meilleure forme, je les entraîne aussi. C'est quoi, d'après vous, le sport le plus complet, le plus exigeant physiquement? Bien, ça serait la MMA à cause de il y a tellement de sports dedans un sport. C'est arts martiaux mix. Alors c'est lutte, jiu-jitsu, muay thai, boxe, c'est tous. Alors, il y a des différentes qualités que tu dois travailler. C'est vraiment dur parce que quand j'entraîne des joueurs de foot ou joueurs de hockey, c'est un style. Alors, je dois concentrer sur des choses de même, mais il y a quasiment un pratique par jour ou c'est des matchs, mais en arts martiaux, comme j'ai entraîné Georges il y a comme une heure de là, et il y avait déjà comme deux pratiques déjà aujourd'hui ou un pratique. Alors des fois le corps est un peu fatigué, tu dois vraiment traiter un athlète différent d'un autre. Et dans une équipe de sport, entraîner une équipe, c'est plus, tu donnes un protocole plus généralisé à tout le monde. Okay. Mais ce sport-là, je dois travailler avec les qualités et les défauts de tout le monde. Alors, je dois créer un programme unique à toutes les personnes. J'entraîne jamais Jérôme comme j'entraîne Georges. J'entraîne jamais Rachad comme j'entraîne Jérôme. C'est tout le monde est différent. Parlez-nous un peu. Vous venez d'où, M. Chambers? Est-ce que vous venez du Québec? Oui, je viens né à Montréal. Alors, il y a une folie ici pour le hockey. Évidemment, le hockey au Québec, c'est le sport où on est tous en extase devant les Canadiens de Montréal. Les joueurs de hockey, est-ce que ce sont de grands athlètes? Parce que je me souviens d'avoir déjà entendu Pierre Pagé, un ancien directeur général des Nordiques de Québec, qui maintenant est en Europe. Puis qui disait que les joueurs de hockey pourraient être en bien meilleure forme physique parce qu'ils ont une pratique par jour, une partie, deux, trois parties par semaine, pas plus, mais que franchement, pour des athlètes professionnels, ils pourraient s'entraîner beaucoup plus puis être athlétiquement parlant supérieurs à ce qu'ils le sont actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est vrai. Je pense que tout le monde, dans tous les sports, il y a des gars vraiment dans bonne forme et des gars... pas vraiment qui mettent tout leur 100%, c'est à tous. Mais je vois, j'ai beaucoup de joueurs de hockey qui travaillent vraiment fort, mais qui ont pas le, qui sont pas des vrais athlètes comme Georges. c'est un vrai athlète. Je peux le mettre dans n'importe quel sport je veux. Il va être un des meilleurs. C'est un bon athlète. Mais j'ai des gars comme Keith Jardine qui sont pas les plus talentueux, mais qui travaillent vraiment fort pour être où ils sont. Mais quand même, aujourd'hui, j'entraînais, je sais pas si tu connais, c'est un ancien joueur de hockey, PJ Stock. Oui, oui, oui. Ben, lui, c'était toujours un gars qui devait travailler plus fort que l'autre parce qu'il n'y avait pas les talents, était plus petit que tout le monde. Il bataillait avec des gars vraiment plus grands que lui. Alors lui, quand il est dans mon gym, je peux le pousser jusqu'au bout. Il travaille vraiment fort pour moi. Il n'est même pas en Ligue nationale maintenant. Alors il y a des gars qui travaillent fort et il y a des gars qui travaillent moins fort. Je pense avec le talent, comme beaucoup, tu le vois avec beaucoup des Russes, sont vraiment beaucoup de talent, mais ils ne travaillent pas assez fort. Alors ils accordent une mauvaise réputation aux autres. Oui. Parce que ils ont tellement de talent, mais ils ne travaillent pas assez fort. Et si on pourrait si je pourrais vous demander d'abord, si vous regardez Fedor, c'est quoi vous direz en tant qu'athlète? Est-ce que vous le considériez un bon athlète? Ben, je considère un incroyable athlète parce que c'est un gars qui c'est vraiment un des meilleurs, sinon le meilleur du monde. Est-ce que vous considériez, parce que si on regarde son physique, des fois on peut penser peut-être qu'il est pas non plus, pas qu'il est pas fort, mais je veux dire que il n'y a pas non plus le maximum qu'il peut tirer peut-être de son physique, ou c'est l'illusion peut-être? C'est un peu des deux. C'est une illusion, mais je sais qu'il entraîne fort. J'ai déjà en Russie entraîné quand j'étais avec l'équipe nationale de lutte. Alors j'ai entraîné avec des Russes. Ils ont un différent style. Je prends pas beaucoup de ce style-là, mais ça travaille pour lui. Des fois, n'importe quel entraînement tu as, si t'as un gros talent et t'es vraiment un bon athlète, tu peux faire n'importe quoi, tu vas être bon. Comme Floyd Mayweather, George, les gars de même sans moi, même entraîner au bas de moyens, ils vont peut-être pas être le meilleur champion du monde, mais ils vont être très bons parce que ils ont un talent plus gros que l'autre. Mais si tu mets ça avec un gars qui s'entraîne fort et proprement, tu vas avoir un super athlète. Fedor, je pense qu'il entraîne fort. Il est bon en tellement différentes disciplines et mentalement, c'est le plus fort gars au monde. Alors même pas physiquement, mais son mental, et c'est incroyable comment il est fort. Tu peux regarder n'importe quel combat, il est vraiment calme, il peut être frappé fort, il bouge pas. Et c'est un gars vraiment mentalement plus fort que l'autre. Est-ce que, bon, Georges St-Pierre, on peut s'imaginer, on le voit à l'œuvre, on le voit son physique, on voit ses performances, on voit tout son athlétisme, puis on se dit, ben, ce gars-là, il peut plus s'améliorer. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de maintenir son conditionnement physique. Mais est-ce qu'on a raison de penser ça, ou il peut encore progresser à plein de niveaux? Ah, Georges, c'est... il peut progresser comme tu peux pas imaginer. Quand je commençais avec lui, il avait de la misère de faire... 8 chin-up, il n'y avait pas beaucoup de force physique. C'était un gars, juste un athlète naturel qui avait de progrès. Il était tellement haut classé parce que il était tellement bon. Mais un gars, juste en deux mois, un mois, déjà, on a vu des incroyables résultats avec lui. Et maintenant, comme tu peux pas imaginer, comme j'ai juste vu au gym aujourd'hui, ses résultats, comparément quand il a commencé, sont 1000 fois meilleurs dans chaque discipline. Son puissance, son force, son endurance, c'est tout meilleur. Même son vitesse. Alors, la chose avec George, c'est qu'on change toujours son entraînement, on laisse pas son corps ajuster. Alors, quand son corps commence à ajuster à l'entraînement, on change des petits peu pour que on se choque toujours qu'il peut s'améliorer plus. Alors, Georges, si tu regardes ça comme un graphe de son progrès, on n'a pas du plateau du tout. C'est toujours meilleur. Et si Georges décidait de monter à 185 livres, combien de livres de plus de muscle il devrait prendre avant de prendre cette décision-là? Ben, on a déjà commencé l'attente à ça. On a mis déjà 5 livres de muscle du dernier combat. Georges, maintenant, il est presque 193, 194 livres. C'est le plus gros que Georges était dès que même de sa vie. Il m'a dit qu'il n'a jamais été si grand et si gros et il a mis beaucoup de muscles. Alors on va le garder ici maintenant 193 à peu près 14 parce que il a un autre combat à 170. Alors, on va le garder ici, on va lui faire vraiment fort à cette poids-là. Et si par chance, il doit aller à 185, ben, on est déjà à 194 et un autre 6 livres, c'est réaliste d'être presque 200 livres pour faire le descend à 185. Parce qu'Anderson Silva, il descend de au moins 220, 215 livres. Est-ce que c'est un projet à court terme de voir Georges St-Pierre disputer un premier combat à 185 livres? On n'est pas en rush. On a Dan Hardy, numéro 1, probablement en mars. Et après ça, on verra. Georges est confortable. S'il y a des challenges et des défis, il va rester à 170. Mais il veut toujours chercher des choses à faire. Peut-être un catch weight à 180 avec Anderson Silva, ça a l'allure. Je sais pas qu'est-ce que ça va apporter. Peut-être tester un combat avec un gars peut-être à 185 qui est un monstre comme un Michael Bisping ou quelque chose comme ça pour juste regarder comment tu sens à 185, je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. On va voir comme une équipe la meilleure décision, mais pour maintenant, il est champion 170 et un des meilleurs au monde, tout poids comparé. Alors, j'aimerais qu'il reste ici pour maintenant et quand c'est temps d'aller à 185 contre Anderson Silva, on ira, on serait proche. Avec son poids à 200 livres ou 197 livres à peu près pour qu'il soit assez grand pour comparer aux autres. Et maintenant, il faut absolument qu'on se parle de Jérôme Le Banner. On lui a parlé il y a quelques jours, puis on apprend maintenant qu'il s'entraîne au Tristar, qu'il veut le faire régulièrement, puis avec vous, puis il nous a parlé de vous en bien et plus que ça, là. Il nous a comparé vraiment à un génie de la préparation physique. Comment ça c'est de travailler avec Jérôme Le Banner? Ah, Jérôme, c'est un vraiment. C'est un gars incroyable. Vraiment, il y a peu de gars dans le monde de MMA qui rentrent dans mon gym qui m'impressionnent comme homme aussi, comme athlète. Et vraiment, j'appelle ce gars-là un ami maintenant. Il a rentré. C'est un gars super super gentil, vraiment respectueux. Et tu sais, en France, il est une légende et au Japon, mais il est juste comme un autre gars à Montréal. Il rentre. Il aide tout le monde. Il a aidé Denis King l'autre jour avec son box. Il aide tout le monde qui veut être aidé. Il vient, il travaille fort. Et c'est rafraîchissant de voir un gars, un légende comme lui, venir dans un gym, mais qu'il soit motivé à faire des choses nouvelles. T'sais, beaucoup de personnes sont vraiment old school et ils veulent pas faire ou changer leur style, mais Jérôme est... Il voyait que ça porte beaucoup et il peut changer et avoir des résultats et il travaille absolument vraiment fort dans mon gym. C'est un des plus forts. Il travaille vraiment, vraiment fort. Et, je suis excité de travailler plus avec lui parce que c'est vraiment un bon gars, un gentleman et, vraiment, sérieux. Il n'y a pas beaucoup de gars comme lui je mets dans la même catégorie comme Josh, Nate Marquardt, comme vraiment des gentlemen, des sportsmen. J'apprécie vraiment ce gars-là. Et qu'est-ce que vous diriez que vous essayez d'améliorer peut-être chez Jérôme Le Banner à première vue peut-être, ou juste qu'est-ce que vous voudriez apporter à son conditionnement? Ben, Jérôme, c'est un gars qui va vraiment, vraiment fort du début. Il met beaucoup de puissance dans ses mouvements. Alors, si t'as un gars qui est vraiment type un des fast twitch des fibres, qu'est-ce qui arrive avec lui, c'est que s'il va trop fort, il va se fatiguer vraiment fort aussi. Alors, je veux travailler son puissance numéro un, mais son l'endurance de puissance, qu'il peut avoir une explosion ou un burst de puissance, mais il peut avoir un recovery, c'est comme il peut recouvrir de ça et après avoir une autre puissance. C'est qu'est-ce que c'est Georges est le meilleur à, c'est que il peut exploser, mais il peut récupérer et après exploser encore. Et c'est ça que je veux de Jérôme. Il est fort pour son poids. Alors la force, j'aimerais travailler un peu des aspects comme ses jambes. Il y a des muscles qui aident que je dois travailler dessus. Son posture, son corps, des choses de même. Mais maintenant, je travaille plus sur l'explosion des jambes et son threshold anaérobique, qu'il peut aller vraiment fort pour une duration et après récupérer et aller fort encore. Pour lui, c'est son dernier combat contre Musashi, il fait vraiment bon. Il était pas fatigué, que j'aime ça de lui, que déjà il prend de l'entraînement. Et Saint-Michel serait vraiment un dur combat, mais je pense que il sera prêt de aller fort et a rien à perdre. Vous avez déjà contribué à la préparation de Jérôme Le Banner pour son combat face au Japonais Musashi? Oui, il était à Montréal peut-être 2 mois avant où on travaillait fort pour ce combat-là, pour qu'il peut aller 3 rounds explosifs. J'avais juste commencé à travailler avec lui les mois avant, alors pour ça, c'était plus juste apprendre son corps et donner des petits détails à travailler dessus. Moi, j'aime pas quand je vois quelqu'un, premièrement, j'aime pas changer tout son style parce que, tu sais, ça va être trop choc. Alors, je prends des petites choses qu'il fait bien et j'additionne un peu qu'est-ce que je veux qu'il fasse et ça donne un programme au total. Alors, c'est ça qu'est-ce que j'ai fait avec lui. Jonathan, j'aimerais ça vous demander, je pense que vous avez jamais travaillé avec Anthony Johnson, mais que pensez-vous d'un gars comme lui qui pèse, on dit, pas loin de 220 et se bat à 170? Ben, il m'a approché, son manager m'a approché de l'entraîner, mais j'entraîne Georges, c'était comme il y a un an, et j'ai dit non parce que ça me fait pas d'entraîner des gars au même poids qui sont pas sur notre équipe, alors j'ai décliné de l'entraîner. Il a beaucoup de talent, mais il a beaucoup de puissance, mais ça va être vraiment dur et jeune, mais c'est vraiment dur de couper tellement de poids trop. Alors, je pense que dans le cas de lui, il est assez grand pour aller à 185. En cas de Thiago Alves, c'est un gars qui coûte de 210, 200 livres. Il y a des coupes géantes, mais lui, il est tellement... Il est crapu, hein? C'est un bloc de muscles. Mais... Exactement. C'est trop pas petit, mais pour 185, c'est un gars avec... il n'y aura pas un gros reach. C'est pas un gars qui peut être un force à 185. Mais Anthony Johnson, il a le corps, il a le reach qu'il peut aller à 185 et être un bon compétiteur. Mais à 170, ça va te prendre trop de lui. Tu vas voir deuxième, troisième round, il va toujours gasser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un professionnel dans n'importe quel sport, nommer, si vous voulez, vous pouvez nous nommer des noms, mais travailler avec lui pour vous apercevoir que ce gars-là, il a peut-être pas le cœur à l'ouvrage, puis de lui dire « Écoute, mon chum, moi, je veux bien t'aider, mais si tu mets pas du tien, je peux rien faire pour toi, retourne chez toi. » Oui, ben mon entraînement, c'est pas... c'est un entraînement que ça va te tester mentalement aussi. Alors, je suis pas ici pour être un babysitter, pour... si t'es un vedette, tu viens chez moi et je vais te traiter comme un vedette et on va aller lentement avec toi et faire tout ce que tu veux. Si tu viens à moi, tu viens parce que tu veux des résultats et tu veux te pousser fort et tu vas faire tout ce qui est nécessaire pour rendre au niveau des champions et des numéros un. Et je suis pas ici pour pas pousser des gars ou te donner des choses que t'aimes faire. On va faire des choses que t'aimes faire, mais tu vas faire qu'est-ce qui est nécessaire. Alors, quand t'arrives chez moi, je vais t'assesser la première fois pour voir qu'est-ce que tu as besoin, mais des fois même des tests que je donne pour voir la capacité anaérobique, c'est ça choque le système et c'est trop pour les gars, ils aiment pas ça ou ils ont pas le cœur de faire ça, ils veulent rester dans son... T'sais, beaucoup de gars aiment rester dans leur zone de confort et quand tu fais ça, tu veux jamais améliorer parce que tu vas toujours rester confortable et quand tu es dans un combat et ça devient pas confortable, you're just gonna give up. Tu vas perdre toute oui. confiance et perdre. Alors, j'ai déjà fait ça avec des gars que j'ai dit, garde, peut-être mon entraînement est pas pour toi ou reviens à moi demain ou cette semaine si t'as vraiment envie de pousser et montre-moi ton caractère ou sinon, garde, on peut rester amis ou on peut rester amical, mais je peux pas t'entraîner. Jonathan, pour pas abuser de ton temps, je vais poser une dernière question en te demandant qui est l'athlète peut-être que ça nous surprendrait de savoir là qu'il a du cœur à en revendre, qui est peut-être pas le meilleur combattant, mais qui a du cœur à n'en plus donner au gym. Ça serait 100% un gars comme Keith Jardine que j'ai juste commencé. C'est toujours été un gars sur notre équipe, mais il y avait un autre entraîneur parce qu'il habite à New Mexico. Alors, on était toujours proches, l'aider quand je peux, mais c'est dur des fois quand je l'entraîne eux autres, mais il habite loin. Alors, qu'est-ce qu'il peut prendre un entraîneur pour le garder? C'est toujours... t'as besoin de quelqu'un pour te pousser. Alors, je comprends ça, mais Keith m'a approché après son dernier combat pour vraiment travailler 100% avec moi. Et c'est un gars qui a tellement de cœur. C'est un gars au gym. Tu vas le voir au gym, c'est pas un gars impressionnant. Tu vas voir sauter, tu vas faire des exercices. C'est un gars... son technique est horrible. Il va regarder, j'ai des clients de 50 ans qui ont plus de forme de lui. Et c'est des fois ça me fait mal aux yeux de regarder entraîner. C'est un gars qui pousse tellement fort, il fait exactement qu'est-ce que je demande. C'est le premier au gym, le dernier à partir, c'est vraiment un gars vraiment fort. Même à Montréal, on a un gars John McDessie qui vraiment il a beaucoup de cœur, il travaille vraiment fort pour moi, il veut toujours s'améliorer. C'est des gars que j'aime avoir parce que tu peux avoir des gars comme John Jones qui entraîne avec nous autres, mais on sait pas s'il a le cœur. Il y a mille fois de talent, mais on doit tester s'il y a le cœur et pour rendre au prochain niveau. Et c'est qu'est-ce que je veux voir avec des gars avec tellement de talent. J'ai beaucoup de gars qui ont beaucoup de talent. C'est si je peux donner le cœur à Keith Jardine ou John McDessie à eux autres, ce serait des champions mille fois. Jonathan Chambers, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On en a mille autres. J'espère qu'on aura l'occasion de vous reparler parce que c'est vraiment intéressant de voir cette la technique, là, vraiment, la préparation physique. Nous, on s'y connaît pas vraiment. Puis vous nous permettez de décortiquer ça. Ça a été vraiment intéressant. Et je vous remercie beaucoup. Puis on espère pouvoir vous reparler éventuellement. Ah, merci beaucoup, c'est toujours mon plaisir. OK, ben au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye.